Évariste Ndikomanyanga. François Kimana sur la maison onde, bienvenue chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganiro à ce journal, édition de la mi-journée de ce jeudi 13 février 2020, dont voici d'abord la charpente. Au moment où le Burundi se joint au monde pour célébrer la journée mondiale de la radio, certains habitants de la province Makamba apprécient les émissions produites par les médias qui exercent sur le territoire national. Et en cette même date, l'association burundaise des radiodiffuseurs demande la libération des quatre journalistes du journal Iwachu détenus à la prison de Bubanza il y a 4 mois. Les députés de la Chambre basse et du Parlement disent être inquiets par l'ouverture des officines pharmaceutiques des médicaments traditionnels annoncés par le ministre de la Santé publique ce mercredi. C'était lors de l'analyse du projet de loi portant réglementation de l'exercice de la pharmacie et du médicament par l'Assemblée nationale. Et parlons femmes de ce jeudi, nous amène à Boutare dans la commune Kayogoro de la province Makamba où l'Union libre existe encore. Voilà pour les titres. Les députés burundais ont l'ambition de savoir comment seront réglementés les médicaments traditionnels pour qu'ils ne soient pas nuisibles à la santé humaine. Ils ont soulevé ces interrogations ce mercredi lors de l'analyse du projet de loi portant réglementation de l'exercice de la pharmacie et du médicament par l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé, Dr Tade Ndikumana, a répondu que ce texte prévoit l'ouverture des officines pharmaceutiques des médicaments traditionnels. Yvette Nijimbere pour plus de détails. Ce nouveau projet de loi prévoit dans ses articles la réglementation du commerce des médicaments traditionnels sur ce. Le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Tade Ndikumana, précise que son ministère prévoit même un projet d'agrément des pharmacies de ces médicaments. Ce projet de loi vient trouver solution à beaucoup d'inquiétudes du ministère de la Santé publique dans la réglementation des médicaments traditionnels, ce qui est nouveau. Les représentants du peuple se demandent quelles sont les mesures que ce projet de loi prévoit en cas des effets indésirables qui peuvent être causés par ces médicaments. Là, le parlementaire Deogracias Nduimana propose une réponse. Dans le cas d'une suspicion fondée et basée sur des études réalisées, et s'il s'avère que le médicament traditionnel en cause est susceptible d'induire des effets indésirables graves, le ministre en charge de la santé publique suspend ou interdit le médicament traditionnel sur le territoire national. Le parlementaire Ndoumami, quant à lui, demande la durée de vie des médicaments traditionnels. Sur le flacon ou plaquette des autres médicaments, on peut voir les dates de fabrication et d'expiration. Qu'en est-il pour ces médicaments traditionnels? Quelle garantie pour ces médicaments? Sur cette question, le ministre Tade Ndikumana signifie qu'une commission va être créée et que tous les médicaments doivent être soumis à des contrôles structurés. Nous allons mettre en place une commission chargée de cette sorte de médicaments, mais qu'il existe des personnes qui proposent tels remèdes. Ces gens vont travailler avec l'INSP pour déterminer quels sont les principes actifs que contiennent les plantes, pour donner valeur à ces plantes qui ont aidé nos ancêtres. Ce projet de loi prévoit qu'une fois l'implantation des pharmacies des médicaments traditionnels est mise en place, la distribution de médicaments sur les voies publiques sera interdite et que toute personne désirant investir dans ce domaine devra avoir une permission du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Merci à Yvette Nijimbere pour tous ces détails. Page santé toujours, les journalistes sont appelés à sensibiliser et donner des vraies informations par rapport au virus Ebola et coronavirus constaté en RDC et en Chine. Le secrétaire permanent au sein du ministère de la Santé a interpellé les journalistes lors d'un atelier de formation et information de ce jeudi. Docteur Jean-Baptiste Nzorirongangudze conseille à la population de toujours observer les mesures d'hygiène et se rendre à l'hôpital en cas de certains symptômes, dont la fièvre et écoulement nasal. Suivez-le dans ses propos recueillis par Ornella Mucho. C'est un atelier d'information et de formation, de sensibilisation de tous les professionnels des médias par rapport à la maladie à virus Ebola et coronavirus. L'atelier a été organisé d'arobit, de sensibiliser tous les professionnels des médias parce que leur voix arrive facilement à la population. C'est pour qu'ils aient un message correct et un message consensuel à transmettre par rapport aux inquiétudes de la population, par rapport au coronavirus, surtout cette maladie qui sévit actuellement en Chine et qui a des signes semblables avec les signes de la grippe qui est une maladie ordinaire ici à notre pays. C'est pour que les journalistes puissent aider à porter loin l'information correcte auprès de la population et aider à tranquilliser la population parce qu'on trouve que souvent il y a une panique au niveau de la population par rapport à cette maladie. Vous n'avez pas Isangani lo ? Vous ratez l'essentiel. Le ministère des Travaux publics et du Transport se dit prêt à réhabiliter les infrastructures routières endommagées plus que les autres. Selon le même ministère, il s'est avéré que si rien n'est fait, la circulation risque d'être paralysée. C'est la déclaration du ministre Jean Bosco Ntsogonimana lors de la présentation des réalisations de son ministère au cours de 3 derniers mois. Il a précisé également que dans le domaine de transport, il a été instauré la modernisation de l'octroi des permis de transport. On l'écoute. Tout le monde est revenu sur la question d'entretien des routes et l'aménagement des rivières. Ici, je vous ai dit que nous avons déjà envoyé nos cadres à l'intérieur du pays qui ont déjà amené le rapport sur l'état actuel des routes. Nous avons envoyé le rapport pour qu'au niveau du gouvernement, nous puissions prendre une décision afin de pouvoir réhabiliter les routes parce que le gouvernement ne peut pas croiser les bras alors que les routes ne sont pas praticables. Donc, la question est au niveau du gouvernement et je crois que vous saurez la réponse de la décision du gouvernement incessamment. Donc, nous y sommes, nous y travaillons pour que nous puissions vraiment faciliter l'accès et les échanges commerciaux entre les villes et la sous-région. C'est le ministre Ntsogonimana des Travaux publics. Certains des habitants de la commune et province Makamba apprécient positivement le rôle de la radio, mettant la population au courant de l'actualité nationale et internationale. Toutefois, certains d'entre eux déplorent le fait que certains journalistes vacants à leur métier soient arrêtés, voire même emprisonnés. Ces habitants indiquent qu'ils sont de ce fait désintéressés à écouter la radio et le fonds pour le soutien des médias est maintenant disponible. C'est la déclaration du ministre de la Communication Frédéric Nahimana lors de la célébration de la Journée mondiale de la radio. Cette journée arrive au moment où 4 journalistes du groupe de presse Iwachu sont incarcérés. L'association des radiodiffuseurs Burundi a profité de cette occasion pour plaider encore une fois la libération conditionnelle de ces journalistes. Et sport à présent, 2 arbitres burundais internationaux et centraux dont Georges Gatogato et Pacifique Ndabihawenimana sont parmi plus de 4 arbitres enregistrés par la Confédération africaine de football qui bénéficieront d'un stage de la vidéo assistance referee VAR en sigle. Dans une correspondance adressée aux différentes associations de football de la Confédération africaine de football CAF, précise que cette formation va débuter le 10 mars et jusqu'au 14 de ce mois à Rabat au Maroc. Dans cette même formation, Jean-Claude Birumushahu, qui avait déjà bénéficié de ce stage, est invité comme formateur. Parlons femmes. L'Union libre existe encore sur la colline Boutaré de la commune Kayogoro en province Makamba. Des foyers vivant dans cette situation disent que cela est dû à l'existence d'une attestation d'état civil obligatoire aux non-natifs de Kayogoro qu'ils doivent fournir à l'administration communale. Quant à Zaché Misago, administrateur communal de Kayogoro, cette attestation ne devrait pas être un prétexte plutôt parce que chaque couple doit être en ordre avec la loi avant de se marier légalement. Il a également signalé que l'union libre cause tant de problèmes à la femme. Les détails avec Vestine Otoy. Sur la colline Boutale de la commune Kayogoro en province Makamba, une femme ayant des enfants affirme qu'elle et son mari se sont mariés illégalement. Elle explique qu'une des raisons les empêchant à régulariser leur mariage est l'attestation d'état civil qu'ils doivent fournir à l'administration communale Kayogoro du fait qu'ils ne sont pas natifs de la dite commune. Nous leur avons demandé de nous enregistrer et nous ont demandé à leur tour d'aller chercher sur notre colline d'origine le document attestant notre état. Civil. Nous leur avons supplié de changer notre carte d'identité, mais la réponse restait la même. Voilà pourquoi nous n'avons pas encore régularisé notre mariage. Le mari de cette femme fait savoir que même s'ils n'ont pas encore officialisé leur mariage, il y reconnaît que le mariage illégal protège la femme contre les différentes formes de violence. Il dit que la plus-value du mariage illégal est que quand par malchance le mari décède, la veuve et les orphelins auront droit à la gestion des biens de son époux défunt sans immixtion de la famille et de ce dernier. L'administrateur communal Kayogoro Zaché Misago dit être choqué par l'existence de l'union libre au sein de sa commune malgré les différentes sensibilisations. Il y signale que la femme ne devrait pas ignorer que même après tant d'années passées ensemble avec son mari, il y pourrait l'expulser de son foyer quand il en aura envie. Il explique que premièrement, quand on se marie illégalement, on n'est pas femme, on est considéré comme prostituée. Peu importe le nombre d'enfants que tu pourras avoir, le mari n'hésitera pas de te chasser de sa maison quand il en aura envie et que malheureusement, tu n'auras rien comme indemnité. C'est pour cela que c'est déplorable de voir une vieille femme rentrer chez ses parents parce qu'elle s'est mariée illégalement. Pour que les ménages de la commune Kayogoro en province Makamba vivant en situation d'union libre officialisent leur mariage, Zaché Misago a fait savoir qu'en collaboration avec les autorités à la base, ils y vont dresser les listes des couples qui se sont mariés illégalement afin de les obliger à régulariser leur mariage. Cet administrateur communal a évoqué les éventuelles sanctions à l'endroit de ceux qui ne mettraient pas cette mesure en application. Merci à Vestine Neboutoyi. Je vous le disais tout à l'heure, le fonds pour le soutien des médias est maintenant disponible. C'est la déclaration du ministre de la Communication, Frédéric Nahimana, lors de la célébration de la Journée mondiale de la radio. Cette journée arrive au moment où 4 journalistes du groupe de presse Iwachu sont incarcérés à la prison centrale, à la prison de Bubanza plutôt. L'association des radiodiffuseurs au Burundi a profité de cette occasion pour plaider encore une fois la libération conditionnelle de ces 4 journalistes. Les détails avec Fidèle Antoine Saïman. Frédéric Nahimana, ministre de la Communication lors d'un point de presse aux journalistes, a fait savoir que le fonds d'appui aux médias est déjà disponible. Le fonds d'appui aux médias est déjà prévu dans la loi de la presse. Maintenant, dans le budget qui est programmé pour l'exercice 2020-2021, le budget a déjà inscrit une certaine enveloppe pour appuyer les médias. À partir de 2020-2021, le budget est là, vous serez appuyé par le gouvernement. Le ministre Nahimana déplore qu'il existe encore des médias qui ne paient pas leurs employés, prétextant qu'ils sont des bénévoles. Il met en garde ceux qui font des radios avant de se préparer financièrement. Nous avons vu qu'il y a des gens qui créent des radios sans qu'ils ont la vision du futur et qu'ils n'ont pas de moyens pour financer. Il faut que ces gens repensent leur projet. Deuxièmement, il faut que les gens qui travaillent pour le bénévolat annoncent cela parce que même s'il y a un bénévolat, il y a un contrat entre celui qui vous donne le bénévolat et celui qui la reçoit. Parce que le bénévolat n'est pas d'une façon indéterminée. Cette journée mondiale de la radio survient au moment où il y a 4 journalistes du groupe de presse Iwachu qui croupissent dans la prison et l'association des radiodiffuseurs au Burundi, ABR en sigle, a profité cette occasion pour demander la libération conditionnelle de ces journalistes. Onésime Harubunu est président de l'ABR. Nous continuons à demander pour que ils soient libres, n'offrissent qu'une liberté provisoire parce que les articles 45-46 dans la loi sur la presse stipulent très bien que le journaliste a le droit de traiter l'information sur tout le pays, sur le territoire. Et nous pensons que le juge, continue à revoir ces textes. Le thème de cette année pour cette journée est la diversité dans les salles de rédaction des radios et sur les ondes. Merci à Fidèle d'Antoine Saïmana pour tous ces détails. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. Au moment où le monde se joint, plutôt au moment où le Burundi se joint au monde pour célébrer la journée mondiale de la radio, certains habitants de la province Makamba apprécient les émissions produites par les médias qui exercent sur le territoire national. À cette même date, l'association burundaise des radiodiffuseurs demande la libération des quatre journalistes du journal Iwachu détenus à la prison centrale de Bubanza il y a 4 mois. Les députés de la Chambre basse du Parlement disaient être inquiets par l'ouverture des officines pharmaceutiques des médicaments traditionnels annoncés par le ministre de la Santé publique ce mercredi. C'était lors de l'analyse du projet de loi portant réglementation de l'exercice de la pharmacie et du médicament par l'Assemblée nationale. Et parlons aux femmes de ce jeudi, nous a amené à Butare, dans la commune Kayogoro de la province Makamba, où l'Union libre existe toujours. Merci d'avoir suivi cette édition de la mi-journée de ce jeudi 13 février 2020. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous et bonne suite des programmes sur Isanganiro.